La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Nous allons continuer notre livre Christmas Pudding d'Agatha Christie. Notre ami Hercule Poirot est en train d'essayer d'élucider le mystère du meurtre de Sir Reuben. Il a donc déjà interrogé sa femme Lady Astwell, la servante de cette femme qui est Lily Margrave, ainsi que Monsieur Parson. Et je pense qu'il s'apprête à aller interroger d'autres gens. C'est pourquoi nous allons continuer notre chapitre 8. Le détective remonta dans le grand hall et s'arrêta un instant pour réfléchir. Un bruit léger frappa son oreille. Il sortit de ses pensées, pencha la tête de côté à la manière d'un moineau et, sur la pointe des pieds, alla jusqu'à une porte ouverte de l'autre côté du hall. Il s'arrêta sur le seuil et regarda à l'intérieur de la pièce. C'était une petite bibliothèque. À l'extrémité la plus éloignée de la porte, un jeune homme pâle et maigre, assis devant un grand bureau, écrivait avec assiduité. Il avait le menton fuyant et portait un pince-nez. Poirot l'observa un moment, puis signala sa présence par un éternuement bruyant. Le jeune homme interrompit son travail et tourna la tête. Il ne parut pas spécialement ému, mais plutôt perplexe, en voyant Poirot. Le détective avança de quelques pas et dit avec son habituel petit salut « Vous êtes bien Monsieur Tréfousis ? Je m'appelle Poirot, Hercule Poirot. Vous avez peut-être entendu parler de moi ?»« Oh, mais certainement, » dit le jeune homme. Poirot l'observait avec attention. Owen Tréfousis devait avoir environ 33 ans, et le détective comprit sur le champ pourquoi personne n'arrivait à prendre au sérieux l'accusation de Lady Astwell. Monsieur Owen Tréfousis était le type du jeune homme comme il faut, sérieux, modeste et doux au point d'en être désarmant. Le type de garçon que partout on malmène systématiquement. On pouvait être sûr qu'il ne manifesterait jamais de rancune. « C'est Lady Astwell qui vous a fait appeler ? Elle a dit qu'elle allait le faire. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ? Lady Astwell vous a-t-elle parlé de ce qu'elle croit, de ses soupçons ? Quant à cela, dit Tréfousis avec un petit sourire, je crois qu'elle me soupçonne. C'est absurde, mais c'est comme ça. Elle m'a à peine adressé la parole depuis la mort de Sir Reuben, et elle s'aplatit contre les murs quand je la croise dans la maison. » Il était parfaitement naturel et il semblait y avoir plus d'amusement que de rancune dans ses paroles. Poirot prit un air de franchise engageant. « Entre nous, expliqua-t-il, elle m'a dit la même chose. Je n'ai pas discuté avec elle. Je me suis fait une règle de ne jamais discuter avec des personnes aussi péremptoires. C'est une perte de temps, vous comprenez ? Vous avez raison. » Je dis « Oui, madame, parfaitement madame, précisément madame. » Ces mots-là ne veulent rien dire et sont tout de même apaisants. Je vais procéder à mes investigations. Il semble presque impossible qu'un autre que Leverson ait pu commettre le crime. Pourtant, enfin, il est déjà arrivé que l'impossible se réalise. Je comprends fort bien votre attitude, dit le secrétaire. Je vous en prie, considérez que je suis entièrement à vos ordres. Bon, dit Poirot, nous nous comprenons. Alors racontez-moi les événements de cette soirée. Autant commencer par le dîner. Comme vous le savez sans doute, Leverson n'a pas dîné à la maison. Il y avait eu une algarade grave entre son oncle et lui et il était allé dîner au golf. Sir Reuben était d'une humeur massacrante. « Pas très commode ce monsieur-là, » insinua Poirot. Tréfousis se mit à rire. « Oh, il était terrible. Je n'ai pas travaillé avec lui pendant 9 ans sans connaître ses petites manières. C'était un air très extraordinairement difficile, monsieur Poirot. Il piquait des crises de rage comme un enfant et injuriait tous ceux qui s'approchaient de lui, quels qu'ils fussent. J'avais fini par m'y habituer, par ne pas plus faire la moindre attention à ce qu'il disait. Au fond, il n'était pas vraiment méchant, mais il en arrivait à être stupide et exaspérant. Ce qu'il fallait surtout, c'était ne jamais lui répondre. D'autres personnes avaient-elles acquis autant de sagesse que vous sur ce point ? Lady Astwell aimait assez les bonnes scènes. Son mari ne lui faisait pas peur du tout. Elle lui tenait tête et lui répondait du tac au tac. Ensuite, ils se réconciliaient toujours, et Sir Reuben l'aimait profondément. S'était-il disputé ce soir-là ? Tréfousis jeta un regard de côté à son interlocuteur et hésita avant de répondre. « Je le crois. Pourquoi me demandez-vous ça ? » « Une idée, simplement. » En réalité, je ne le sais pas, expliqua le secrétaire. Mais tout se présentait comme s'il devait en arriver là. Poirot abandonna ce sujet. Qui avait-il d'autre à dîner ? Miss Pargrave, Monsieur Victor Astwell et moi. Comment la soirée s'est-elle passée ? Nous sommes allés au salon, Sir Ruben ne nous a pas accompagnés. Il est venu une dizaine de minutes plus tard et il m'a flanqué un abattage à cause de je ne sais quel détail concernant une lettre. Je suis montée avec lui dans la salle de la tour et j'ai arrangé la chose. Puis, Monsieur Victor Astwell est arrivé, a déclaré qu'il désirait voir son frère en tête à tête. Et je suis descendue au salon rejoindre les dames. Un quart d'heure s'était à peine écoulé lorsque j'ai entendu la sonnette de Sir Ruben qui carillonnait sans arrêt. Et personne n'est venu me dire d'aller immédiatement trouver Sir Ruben. Comme j'entrais dans la salle de la tour, Monsieur Victor en sortait. Il m'a bousculé et m'a presque fait tomber. Il était évidemment bouleversé. C'est un homme très violent. Je ne crois même pas qu'il m'ait vu. Sir Ruben ne vous a rien dit à son sujet ? Si, il m'a dit « Victor est fou ». Un de ces jours, il tuera quelqu'un dans une de ses crises de fureur. Vraiment ? Et avez-vous idée de ce qu'il l'avait mis dans un état pareil ? Absolument pas. Poirot tourna lentement la tête et regarda le secrétaire. Le détective eut l'impression que Tréfusis en avait peut-être dit plus qu'il ne voulait. Mais cette fois encore, il n'insista pas. Et ensuite, continuez s'il vous plaît. J'ai travaillé avec Sir Ruben pendant 1h30 environ. À 11h, Lady Astwell est arrivée et Sir Ruben m'a dit que je pouvais me retirer. Et vous êtes parti ? Oui. Vous êtes-vous rendu compte du temps que Lady Astwell a passé auprès de son mari ? Pas du tout. Sa chambre est au premier étage, la mienne est au second, de sorte que je n'aurais pas pu l'entendre rentrer chez elle. Je vois, dit Poirot. Puis il se leva brusquement. Conduisez-moi à la salle de la tour, ajouta-t-il. Le secrétaire passa devant lui, ils montèrent par le grand escalier au premier étage, suivirent un corridor au bout duquel il y avait une porte rembourrée qui les amena sur le palier de l'escalier de service. Un court passage aboutissait à une autre porte qu'ils franchirent. Et ils se trouvèrent sur le lieu du crime, la salle de la tour. C'était une immense salle dont le plafond devait être 2 fois plus haut que celui de toutes les autres pièces de la maison. Des armes de sauvages, flèches, sagaies, poignards décoraient les murs et des objets curieux, presque tous venant d'Afrique, étaient disposés sur les meubles. Une grande table à écrire occupait l'embrasure de la fenêtre. Poirot s'en approcha aussitôt. « C'est là qu'on a trouvé Sir Ruben ?» Tréfusis fit un signe affirmatif. « Si je comprends bien, il a été frappé par derrière. » De nouveau, le secrétaire inclina la tête. « Il a été frappé avec une de ses massues, » expliqua-t-il. « Elles sont terriblement lourdes. » La mort a dû être instantanée. Cela confirme l'idée que le crime n'était pas prémédité. Une querelle violente, on attaque presque inconsciemment la première arme venue. Oui, c'est accablant pour ce malheureux Leverson. Et on a découvert le corps effondré en avant sur la table. Non, il avait glissé de côté sur le sol. Tiens, c'est curieux, dit Poirot. Pourquoi curieux ? Demanda Tréfusis. À cause de ceci, dit Poirot en montrant du doigt une tache arrondie, irrégulière, sur la surface cirée de la table. Ça, mon ami, c'est une tache de sang. Peut-être une éclaboussure, dit Tréfusis. On a même pu la faire plus tard, lorsqu'on a déplacé le corps. C'est possible, dit le petit beige. Cette salle n'a pas d'autre porte que celle par laquelle nous sommes entrés. Ici, voyez, il y a un escalier. Tréfusis tira un rideau de velours qui masquait l'angle le plus rapproché de la porte. De là, un petit escalier en spirale montait à un étage supérieur. Cette tour a été construite pour un astronome. L'escalier monte à la pièce circulaire où il avait installé son télescope. Sir Ruben y a fait aménager une chambre. Il y couchait parfois, quand il travaillait très tard. Poirot monta vivement les marches. La pièce circulaire était simplement meublée d'un lit de camp, d'une chaise et d'une table de toilette. Il se rendit compte qu'il n'y avait pas d'autre issue et redescendit dans la salle où Tréfusis l'attendait. « Avez-vous entendu rentrer, Monsieur Leverson ?» demanda-t-il. « Non, » dit le secrétaire. « À cette heure-là, je dormais profondément. » Poirot fit lentement le tour de la salle. « Eh bien, » dit-il, « je crois qu'ici, il n'y a rien de plus. À moins, voulez-vous être assez aimable pour tirer les rideaux ?» Docilement, Tréfusis tira les lourds rideaux de velours noir devant la fenêtre. Poirot alluma la lampe centrale dont la lumière était diffusée par une grande coupe en albâtre suspendue au plafond. « Il y a bien une lampe de bureau ?» demanda-t-il. Le secrétaire alluma une lampe puissante munie d'un abat-jour en porcelaine verte qui se trouvait sur la table à écrire. Poirot éteignit le plafonnier, puis le ralluma à plusieurs reprises. « C'est bien, » dit-il. « Pour ici, j'ai fini. Merci, monsieur Tréfosis, pour toute votre complaisance. »« Je vous en prie, » dit le secrétaire. « Le dîner est à 7h30. » Pensif, Poirot se rendit dans la chambre qui lui était réservée. Il y trouva Georges, l'insondable, déballant les effets de son maître. « Mon bon Georges, » dit-il au bout d'un instant, « j'espère bien rencontrer au dîner un certain monsieur qui m'intrigue beaucoup. Un homme qui revient des tropiques, Georges, avec un caractère tropical, à ce qu'on dit. Un homme dont personne voudrait me parler et dont Miss Margrave ne fait pas mention. Feu Sir Reuben Astwell avait un terrible caractère, Georges. En supposant qu'un homme comme lui se soit trouvé en contact avec un autre encore plus irascible, on pouvait redouter une explosion. Pas forcément, monsieur. Non. Non, monsieur. J'avais ma tante Jemina, une langue de vipère, une affreuse mégère. Elle martyrisait sa pauvre sœur qui vivait avec elle, que c'en était honteux. Tout juste si elle ne l'avait pas fait mourir à force de méchanceté. Eh bien, si on lui tenait tête, c'était une autre chanson. Elle filait doux, un vrai agneau. Et ce qu'elle ne supportait pas, c'était la douceur. Ah, dit Poirot, voilà qui donne à penser. Georges toussa, comme pour s'excuser. Puis-je faire quoi que ce soit pour vous aider, monsieur ? Demanda-t-il gentiment. Certainement. Je voudrais savoir la couleur de la robe que portait Miss Margrave le soir du crime et laquelle des femmes de chambre fait son service. Georges reçut ses instructions avec son impassibilité habituelle. « Très bien, monsieur, je vous donnerai ces renseignements demain matin. » Poirot se leva et regarda le feu. « Vous m'êtes bien utile, Georges, » dit-il à mi-voix. « Et vous savez, je me souviendrai de votre tante Jemina. » Notre chapitre 8 est donc terminé. Je vous donne rendez-vous demain pour le chapitre 9. Et je vous souhaite évidemment une bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir et bienvenue sur Radio Bocon pour ce 8e chapitre. Hier, nous nous sommes quittés sur un terrible ultimatum. Après lui avoir fait une crise de jalousie parce qu'il l'a pensé avec un autre homme, alors qu'en fait elle avait juste chaud à cause de sa climatisation cassée, Alex Blocker a annoncé à Macy qu'il comptait obtenir la garde complète de Corey. Sans plus attendre, retrouvons nos personnages pour en savoir plus. Messi eut l'impression de tomber dans un gouffre, mais elle se ressaisit très vite, tout en essayant de masquer son inquiétude. Corey est sous ma responsabilité. Je déciderai quand tu pourras le voir, dit-elle d'une voix aussi ferme que possible. C'est mon fils, ce n'est pas le... Elle s'interrompit brusquement, se rendant compte de l'absurdité de sa réplique. Ce n'est pas le mien, rugit Alex. Tu as déjà reconnu que c'était mon fils, et je peux toujours demander un test ADN s'il le faut. Tu n'as rien à répondre à cela ? Très bien. Dans ce cas, il ne reste qu'à régler les détails. Tu peux rendre les choses faciles ou difficiles. Alors ne parle pas trop vite. Pense à l'intérêt de Corey avant. D'une démarche lourde, Messi alla jusqu'au canapé et, comme vidé de ses forces, se laissa tomber sur les coussins. Entendu. Il faut parler de tout cela calmement et raisonnablement. Heureux de voir qu'elle cédait, Alex fut aussi peiné de l'avoir accepté aussi vite sa défaite. Où était donc passée la petite fille espiègle qui ne les quittait pas d'une semelle, C.J. et lui ? Et la jeune femme si sûre d'elle, un certain soir à Fayetteville ? La ville avait-elle usé à ce point ? Il la contempla longuement, et son cœur s'emballa soudain devant ses pommettes roses et ses grands yeux noisettes. « Avant que nous parlions, je voudrais faire ceci, » dit-il d'une voix légèrement enrouée. La prenant par les mains, il l'obligea à se lever et referma ses bras autour d'elle. Elle essaya bien de se dégager, mais il la tenait fermement, et elle cessa de se débattre. Alors, il lui souleva doucement le menton, et prit ses lèvres avec fièvre, espérant que cela suffirait pour apaiser momentanément le feu qui brûlait en lui. Mais ce ne fut pas le cas. Il approfondit son baiser, et cela ne fit qu'exacerber son désir. Il sentit la jeune femme s'abandonner totalement entre ses bras, et laisser échapper un gémissement sensuel qui n'exprimait plus la protestation, mais le plaisir. C'était l'invitation qu'il attendait. Il la souleva dans ses bras et la porta dans la chambre. Là, Messi referma la porte derrière eux et tourna la clé dans la serrure. Embrasé de désir quelques instants plus tôt, Alex savait aussi se montrer doux et patient. Il déposa la jeune femme sur le lit, puis s'assit près d'elle, sans la toucher, comme pour lui laisser la possibilité de changer d'avis. Mais elle n'avait aucune envie de s'arrêter. Elle le voulait de toutes les fibres de son être, ici, maintenant, et pour toujours. Elle ôta d'une secousse son peignoir et frissonna sans savoir si c'était à cause de l'air sur sa peau ou de l'excitation. Sous la faible lumière qui filtrait entre les rideaux tirés, elle vit Alex ôter son polo, puis il défit la boucle de son ceinturon avec un peu de maladresse, et ce geste l'émut. Quand elle voulut enlever son chemisier, Alex lui saisit la main. « Non, laisse-moi faire, » murmura-t-il. Il la dévêtit avec lenteur, embrassa une épaule nue, puis l'autre, et ensuite la renversa doucement sur le lit. Les mains derrière la tête, Alex attendait que se dissipe le trouble qui régnait dans ses pensées. En venant chez Messi, il n'avait pas prévu de finir dans sa chambre. Il y avait des choses importantes à régler, des affaires qui, dans le feu de la passion, avaient été complètement oubliées. Pourtant, ce qui venait de se passer avait paru tout naturel, aussi naturel que la première fois. « Alex ?» murmura Messi, niché au creux de son épaule. Nous n'avons toujours pas parlé. Il faudrait que nous le fassions. Je sais. Je comprends que tu te sois mise en colère. Mais nous devrons faire ce qu'il faut pour que Cory soit heureux. Il y eut un silence. J'aimerais juste apprendre à mieux connaître mon fils, dit-il enfin. Bien sûr. Alors il faut que nous organisions tout cela. Mais je tiens à dire moi-même la vérité à Cory, quand je le jugerai nécessaire. Après une longue discussion, Messi et Alex se mirent d'accord sur un seul point. Elle l'autorisa à faire connaissance avec son fils. Ils prirent donc rendez-vous pour le lendemain après-midi, après l'office. Sur cet accord très limité, Alex s'en alla. Quand la porte se referma après son départ, Messi s'appuya contre le battant. La perspective d'un après-midi entier passé avec lui ne l'enthousiasmait guère. Mais en aucun cas elle ne le laisserait emmener son fils, leur fils, en sortie tout seul. Du moins, pas avant que Cory le connaisse bien. Mais à voir la manière dont il idéalisait déjà Alex, elle ne doutait pas qu'il s'adapterait beaucoup plus vite qu'elle à la situation. Mais comment être sûre qu'Alex ne laisserait pas tomber Cory quand il en aurait assez? Et comment se passerait la rencontre du lendemain? Quand la jeune femme éteignit la lampe, 10 minutes plus tard, elle savait que la nuit serait interminable. Quelque part, dans le lointain, un chien aboya, et tous les autres chiens du voisinage l'imitèrent. Allongé dans le noir, les mains sous la nuque, Alex écouta jusqu'à ce que s'arrête le dernier jappement. Depuis 3 longues heures, il regardait se succéder les chiffres rouges du réveil. Roulant sur le côté, il assena quelques coups de poing à son oreiller pour le rendre plus confortable. Puis il reprit sa position initiale, sur le dos, les mains sous la nuque. Que faire? Il désirait follement Messi. Cela n'était plus à prouver. Mais il venait de se rendre compte que maintenant, il les voulait, elle et son fils. Seulement, l'idée de s'engager dans le mariage le terrifiait. C'était la première fois qu'un pareil dilemme se présentait, car sa carrière dans l'armée avait toujours compté plus que tout le reste. Il y avait aussi la question de Lindenville. S'il voulait entrer dans la vie de son fils, il devrait résider dans cette ville. Pourquoi, dans ce cas, ne pas y envisager un avenir? Mais toutes ces questions, tous ces choix à faire, et qui l'empêchaient de dormir, devaient être étudiés calmement, un par un. Et la première étape serait l'épreuve du lendemain. Il faudrait prouver à Messi, et à lui-même, qu'il pouvait être un père pour ce fils qu'il connaissait depuis peu. Mais que faisait un père de 36 ans avec un garçonnet de 4 ans un dimanche après-midi? Lindenville n'avait rien à Disneyland où il pourrait passer un après-midi de plaisir et de jeu. Et Messi, parfois, il avait envie de l'étrangler. Et l'instant d'après, il mourait d'envie de l'embrasser et en perdre haleine, de lui faire l'amour et de ne jamais la laisser partir. Toutes les femmes étaient-elles aussi exaspérantes qu'elle ? Se demanda-t-il, ne s'étant jamais beaucoup investi dans les relations amoureuses. Et ce qu'il ressentait, était-ce le genre de sentiment que connaissaient tous les hommes quand ils tombaient amoureux ? Lui, amoureux ? Quelle idée absurde ! Ils avaient fait l'amour d'une manière délicieuse, mais cela n'avait rien à voir avec le sentiment amoureux. D'ailleurs, il restait toujours très en colère contre la jeune femme, et se demandait même s'il arriverait un jour à lui pardonner de lui avoir caché l'existence de Corée. Un jour prochain, il l'amènerait à expliquer les raisons de son long silence. Un jour, il faudrait qu'elle lui explique tout, mais pour l'instant, la priorité, c'était de dormir. Sinon, il serait une véritable loque le lendemain matin, alors qu'il aurait besoin d'être en pleine forme jusqu'au soir. Mais comment pourrait-il s'amuser avec son fils sous le regard sévère et désapprobateur d'une mère qui le surveillait comme un faucon en chasse ? Il lui fallut encore de longues minutes pour sombrer dans le sommeil. Messi prit Corey à la garderie de l'église après l'office religieux et attendit Alex et Willadine devant le porche d'entrée, sous un soleil qui n'était pas encore brûlant. Elle s'était vêtue avec soin, optant pour une tenue classique et confortable. Sa seule concession à la coquetterie avait été de laisser libre ses longs cheveux bouclés. Elle se rappelait encore comment Alex lui avait caressé la veille. Elle s'était demandé ce qu'ils allaient faire aujourd'hui, et la question avait été en partie résolue quand Willadine avait suggéré qu'ils sortent tous déjeuner ensemble. Cette perspective ne déplaisait pas à Messi. Avec Willadine présente pour jouer les chaperons, il n'y aurait pas de dispute. « Voilà grand-mère !» s'exclama Corey, ravie en s'élançant vers la vieille femme. Messi ne put s'empêcher de sourire. La vieille dame portait son uniforme d'église. Une robe en tissu à fleurs avec un gros col blanc à mi-donné, un sac noir et des chaussures assorties. Ensuite seulement, elle vit Alex, et son cœur battit plus vite. Spectaculaire semblait le mot exact. Ce matin-là, il était vêtu d'un costume gris anthracite, mais il avait déjà ôté sa veste qu'il portait sur son bras. Il avait desserré sa cravate couleur flamme et les boutons supérieurs de sa chemise, ce qui dévoilait un triangle de peau hâlée. Occupé à rouler les manches de sa chemise blanche sur ses avant-bras musclés, il n'avait pas encore vu Messi, qui continua de le détailler avec avidité. Il était si beau qu'il serait facile d'oublier qu'ils avaient des problèmes importants à régler, songea-t-elle. Enfin, il leva les yeux et lui décrocha un sourire radieux. Faisant de son mieux pour ne pas trahir son trouble intérieur, la jeune femme lui répondit d'un petit signe de la main. Grand-mère a pensé que Corey aimerait peut-être aller à rue Dinsichkamp. « En direction de Murelsenlet, dit Alex. « En voiture, ce n'est pas loin. Et si je me souviens bien, d'après ma dernière visite là-bas, il y a des jeux pour enfants. »« C'est quoi comme jeu ?» demanda Corey. « Surprise, » répondit Alex. « Si nous t'oublions maintenant, ce ne sera plus une surprise. »« Je sais, » admit l'enfant à regret. Puis un sourire malicieux éclaira son visage. « Alors on ferait mieux de partir d'ici tout de suite. Comme ça, je n'attendrai pas trop longtemps. » Il prit Willadine par une main et Messi par l'autre, pour les entraîner en direction du parking. Mais Messi le retint. « Attends, Corey, nous ne prenons pas la voiture de maman. » Il s'arrêta et se retourna. « Ah bon ? Quelle voiture on prend alors ? Celle de grand-mère ? » ?»« Non, la mienne, fils. » Messi crut que son cœur allait s'arrêter de battre, quand elle entendit Alex appeler Corey « fils ». Quand devrait-il apprendre la vérité à Corey ? Ils avaient rejoint le 4x4 rouge d'Alex, et Willadine s'adressa à Messi. « Partez sans moi, tous les trois, » décréta-t-elle, croisant les bras sur son ample poitrine. « Je dois me rendre à une réunion du club des femmes de Lindenville. Nous allons organiser notre dîner de Thanksgiving pour les sans-abri. La tempête va nous obliger à changer un peu nos plans. » « Mais comment allez-vous rentrer chez vous ? Vous êtes venue avec Alex ?»« C'est vrai, mais je pense que je peux conduire ta voiture sans problème. » « Entendu, grand-mère, » acquiesça Alex. Je suis sûr que Messi ne verra aucun inconvénient à ce que tu ramènes sa voiture à la maison. » Ce n'était pas le problème, pensa Messi en voyant l'air satisfait de Willadine. Il était évident que la vieille dame essayait de jouer les marieuses, et Alex semblait plutôt ravi de ce changement de dernière minute. Mais quand Willadine avait décidé quelque chose, personne ne pouvait la faire changer d'avis, et Messi la regarda s'éloigner au volant de sa voiture, sentant monter en elle une certaine appréhension. Il ne restait qu'à espérer que la présence de Corey suffirait. Alex avait l'habitude de conduire dans les conditions les plus diverses, mais il n'avait jamais roulé pendant 80 km avec un petit garçon aussi bavard qu'une fille. Il fit de son mieux pour répondre aux innombrables questions de Corey. Si c'était cela, être père, il allait aimer, pensa-t-il avec une sorte de jubilation intérieure. Messi vit avec plaisir que le restaurant recommandé par Willadin était un établissement familial. La serveuse les conduisit à une table, leur donna le menu et apporta à Cory des crayons et des dessins à colorier. « Regarde, maman, ils ont mis des poissons à colorier sur les feuilles. Moi, j'adore les poissons !»« Et tu as vu ?» demanda Alex, désignant la décoration d'inspiration fortement maritime de la salle. « Il y en a même sur les murs !» Cory écarquilla les yeux devant les poissons exposés et le matériel de pêche. « Comment ils ont fait ?»« Quoi donc, mon chéri ?» demanda Messi, heureuse de cette diversion. Le magnétisme d'Alex la submergeait littéralement. Elle avait très mal supporté de rester sagement assise à côté de lui dans un habitacle de voiture pendant 1 heure et demie. « Comment ils ont fait pour mettre les poissons sur les murs ?»« Parfois, » répondit Alex, « quand les gens attrapent de très gros poissons, ils sont tellement fiers qu'ils les rapportent chez le taxidermiste pour les faire empailler. De cette façon, ils peuvent les exposer. »« Qu'est-ce que c'est, un taxidermique ?» demanda Cory, choisissant un crayon de couleur. Messi leva les yeux au ciel. Pourquoi lui as-tu montré ces poissons, Alex? Maintenant, nous allons jouer au jeu des questions pendant tout l'après-midi. La curiosité est une qualité. Un taxidermiste, Cory, c'est un homme qui empaille des poissons ou des animaux tués à la chasse pour que les gens puissent garder leurs trophées chez eux. C'est quoi un trophée? C'est quelque chose que l'on a gagné au cours d'une épreuve sportive ou bien un animal que l'on a attrapé à la chasse ou à la pêche et que l'on a fait empailler. Moi, j'en ai eu un de trophée au centre aéré une fois. C'était pas un poisson ou un autre animal. C'était en plastique. Ça ressemblait à une coupe avec 2 poignées pour la tenir, dit Cory, coloriant une nageoire avec application. Mon chéri, si tu dessinais en silence un petit moment pour ne pas effrayer les poissons, intervint Messi pour mettre fin au feu roulant des questions. Soudain, Alex posa la main sur la sienne et elle sentit qu'elle rougissait. C'était si bon, cette large paume d'Alex sur sa main. Et c'était si bon de ne pas se disputer avec lui. Mais combien de temps durerait la trêve? Cela ne me dérange pas, tu sais, de répondre à ces questions. J'aime apprendre des choses à notre... à Cory. J'ai tant de choses à rattraper. Envahi par un sentiment de culpabilité, Messi tenta de retirer sa main, mais les doigts d'Alex l'emprisonnaient étroitement. Il lui adressa un sourire oblique et un clin d'œil qui l'amusèrent malgré elle. « Nous devrions peut-être commander, » suggéra-t-elle, désignant du regard Cory qui entamait un 2e cracker. « Le petit déjeuner est bien loin. »« Oui, c'est bien loin, » répondit Alex, sans que Messi comprenne très bien à quoi elle faisait allusion. La nourriture était copieuse et délicieuse. Alex mangea avec plaisir, et il fut heureux de voir que Cory en faisait autant. Messi, elle, le regard obstinément fixé sur son assiette, grignotait sans appétit. De temps à autre, elle levait les yeux et, en voyant Alex qui l'observait, les baissait de nouveau et rougissait. De toute évidence, elle se rappelait ce qui s'était passé dans sa chambre la nuit précédente, pensa Alex. Sous le maquillage, on devinait des cernes sous ses yeux. Elle avait mal dormi, c'était certain. Il regrettait d'en avoir été la cause, mais il fallait bien reconnaître que la situation n'était pas facile. Il reporta son regard sur Cory, qui traçait des signes dans du ketchup étalé au fond de son assiette. Si seulement Messi lui avait dit qu'elle était enceinte. Si seulement il avait pris de ses nouvelles. Mais il était trop tard à présent, et tous les regrets du monde ne changeraient rien. Il fallait agir au mieux maintenant, et dire les mots qui convenaient. Le reste de sa vie, de celle de Messi et de leur fils, en dépendait. Il prit la main fine de Messi posée sur la table. Surprise, la jeune femme leva les yeux. Nous nous en sortirons, tu verras. Murmura-t-il, la voix enrouée par l'émotion. La serveuse vint lui présenter l'addition. « Vous avez une belle famille, » dit-elle pendant qu'Alex sortait sa carte de crédit. Un peu pris au dépourvu, il ne sut que répondre. Ce fut Messi qui le fit. « Merci, » dit-elle, paraissant étrangement émue elle aussi. Lorsqu'ils rentrèrent, le soleil se couchait, ornant le ciel d'une palette de rose et d'orange. Messi était épuisée par les efforts qu'elle avait faits tout l'après-midi pour se montrer agréable et surtout pour ne pas repenser à ce qui s'était passé la nuit précédente. Malgré leur entente physique parfaite, Alex lui avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait rien de plus que cela. La veille au soir, il avait bien dit qu'il voulait la garde de Cory. Rien dans ses propos n'avait suggéré qu'il la considérait comme la femme qu'il aimait. Laissant échapper un soupir, elle jeta un regard en direction de la banquette arrière. et vit que son fils s'était affaissé dans son siège. « Apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas tenu les distances, » dit-elle en souriant. Alex coula un regard en direction de Cory. « Il ne va pas se réveiller de si tôt. À mon avis, ce sera demain matin. Tant pis s'il saute son bain et son dîner. » À la seule évocation de ces simples détails de la vie quotidienne, le cœur de Messi se serra soudain. Elle serait désespérée si Alex lui enlevait Cory, emmenée à Florence. Elle n'avait jamais passé une seule nuit loin de son fils. L'idée de ne pas l'embrasser après l'avoir bordé le soir, ou de ne pas le regarder dormir, lui était insupportable. Et l'idée de ne pas le voir tous les jours lui semblait impossible. Des larmes lui montèrent aux yeux. Comment pourrait-elle vivre un seul jour sans que Cory, chaque matin, vienne couvrir son visage de baisers ? « Beau coucher de soleil ?» dit Alex pour rompre le silence. D'après les dictons populaires, cela annonce du beau temps pour le lendemain. « Tu le savais ?» « Oui, » répondit Messi, battant des paupières pour refouler ses larmes. « En fait, cela repose sur une base scientifique. Quand nous entrons dans les commandos parachutistes, nous recevons une solide formation en météorologie, de façon à établir des prévisions pertinentes pour les sauts. « Tu sais prévoir le temps qu'il va faire ?» s'étonna Messi. C'était étrange de parler de la météo au lieu d'évoquer leurs différends. Mais la jeune femme venait de se rendre compte qu'elle ne connaissait pas véritablement Alex et qu'elle aimerait apprendre plus de choses sur sa vie. « Non, je suis plutôt un observateur. Nous laissons les prévisions à ceux qui possèdent les instruments appropriés. Mais nous avons besoin de connaître les notions de base sur le temps. Savoir trop de choses enlèverait toute la magie, » ajouta-t-il, désignant du menton le soleil couchant. « C'est vrai, il y a quelque chose de magique dans les couchers de soleil. » Ils étaient au moins d'accord sur un point, pensa Messi plus détendu. Parviendrait-il aussi à un accord sur la garde de Cory ? Il le faudrait. Alex était quelqu'un de bien. Son attitude depuis la tornade l'avait amplement prouvé. Il aimait Cory, cela ne faisait aucun doute. Il ne lui prendrait pas son fils. Sa déclaration n'était probablement que du bluff, né de sa colère. C'était un espoir fragile, mais Messi décida de s'y accrocher de toutes ses forces. Eh bien, chers auditeurs, c'est ainsi que se clôture notre 8e chapitre. J'espère que vous avez apprécié la gestion du conflit proche de celle des bonobos de nos deux personnages. En tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit. Gros bisous! La lecture du soir sur la radio des bons coups. Pour s'endormir, tout en écoutant la lecture du soir avec Mona et Louison. Toute l'équipe de la radio des Boncons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.